pas à droite, deux pas à gauche, marche en avant. Kembela, Kembela, deux pas à droite, deux pas à gauche, marche en arrière.